On va parler de hockey. On sait qu'on en parle de plus en plus. On va recommencer à parler de hockey. On a fait le tour des joueurs juniors de la région qui ont participé à des camps de juniors qui ont été retranchés. Là, on sait qu'on a un instructeur qui dirige les Huskies de Rouyn-Noranda, qui est natif de Normandin. Question de savoir un peu comment il entrevoit sa prochaine année avec les Huskies. Je pense que c'est sa troisième. On rejoint à Rouyn-Noranda Gilles Bouchard. Salut Gilles! C'est bien ta troisième année, hein? Oui, exactement. Je commence ma troisième année qui est aussi de Rouyn-Noranda. Ça passe tellement vite, c'est incroyable. Hey Gilles, avant de commencer à parler des Huskies, ça fait un petit bout de temps que tu as commencé ton année. Tu es allé à Calgary dans les moins de U17 qu'on appellerait. C'est la deuxième année que tu fais ça. Belle expérience, une belle expérience de coaching, hein? Oui, c'est une belle expérience. Je suis allé là du 26 au 4 août dernièrement. OK. Puis, c'était un camp estival pour les moins de 17. Ça regroupait les 104 meilleurs joueurs de moins de 17 ans au Canada. Okay. De ces 104 joueurs-là, nous autres, on va en garder 66 pour former trois équipes pour le tournoi international qui va avoir lieu au début d'avril à Dawson Creek, en Colombie-Britannique. OK. Est-ce que parce que je pense que tu es entraîneur adjoint, est-ce que tu as une chance à un moment donné de devenir entraîneur-chef de cette équipe-là? Ben écoute, présentement, je suis entraîneur adjoint, puis c'est bien correct comme ça. Okay. C'est tout le temps des bonnes expériences. Là. Cette année, là, notre entraîneur-chef, c'est Jamie Campbell. Okay. Jamie, il a été 8 ans avec National. Il a gagné la Coupe Stanley en 2012 avec Los Angeles, 2013 avec Chicago Blackhawks. Ça fait que, tu sais, ça me permet d'avoir des bonnes conversations, puis de pouvoir s'améliorer. Ça fait que c'est intéressant. Puis maintenant, tomber en chef, ben, c'est une question de langage aussi, ouais. Là. Mais aussi longtemps, je ne serai pas bilingue parfaitement. Ça va être difficile d'avoir le rôle en charge. OK. Durant l'année, est-ce que ça t'emmène plus de charge, cette responsabilité-là? J'imagine que toi, ton rôle, c'est sûr que Hockey Canada doit épier les jeunes, mais est-ce que tu as ton mot à dire dans les sélections des Québécois qui vont faire partie de cette équipe-là? Ben, écoute, nous autres, on a notre mot à dire. Le groupe d'entraîneurs, là, c'est certain, sauf que en bout de ligne, c'est pas nous autres qui va décider. OK. Tu sais, je peux vanter les mérites d'exemple de Louis-Philippe Côté qui joue pour nous autres cette année. C'est un joueur de 16 ans qui joue à Lévis, me joue 3 l'an passé. Puis, sauf qu'en bout de ligne, ça va être une décision qui va être prise par le Comité d'Hockey Canada. OK. Donc, c'est une belle expérience qui va avoir lieu bientôt au tournoi. Je pense que c'est au mois de novembre, c'est ça? Oui, exactement. C'est au mois de novembre. Ça va être à Dawson Creek en Colombie-Britannique. Ouais. Parlons des Huskies. Comment tu entrevois la prochaine année? Pas très, très positivement. Écoute, on a plusieurs vétérans qui sont de retour avec nous autres. On a des bons jeunes joueurs. On a 7 nouvelles recrues dans l'équipe en comptant notre Européen. Là. C'est un joueur de la Lettonie, Martin Dierskaus, qu'on avait vu évoluer au moins 18 en Suisse quand on était allé là au mois d'avril passé. Puis c'est un joueur qui nous intéressait beaucoup. Puis que on a travaillé fort sur le dossier, puis on a réussi à mettre la main dessus là le 30 juin passé. Okay. Qui est bien heureux d'être avec nous autres. C'est un joueur qui va faire la différence. Il a été repêché avec Toronto au draft de juin dernier dans les nationales pour les Maple Leafs. Fait que c'est un bel atout pour nous autres. Puis les 6 autres recrues, c'est des bons jeunes joueurs aussi. On entrevoit ça positivement. Okay. Comment tu fais pour vendre un joueur qui vient de Lettonie puis le faire aboutir à Rouyn-Noranda? C'est la grande question parce que c'est tout. Ça doit être un. Tu sais, le film La Grande Séduction, là. La Grande Séduction. Ah, c'est tout. Ouais. C'est tout un processus. Premièrement, on a eu la chance de réussir à parler après un match contre. Je me souviens plus quelle équipe, je pense qu'ils jouaient contre la Germanie. Okay. On avait croisé une petite fille dans les Australes, puis avait le nom du petit gars dans son dos, fait qu'on s'est dit ça doit être sa soeur. Fait que. On a commencé à parler à elle, puis après ça, ben, on a réussi à avoir une rencontre avec les parents, puis le joueur après la rencontre. Fait que ça a commencé de même, la première rencontre, puis après ça, ça a été un long suivi. J'ai parlé avec son agent, j'ai parlé beaucoup avec son entraîneur sportif, son préparateur physique là-bas en Lettonie, Roger Lavens, que j'ai connu par l'entremise d'une autre personne. Fait qu'on a fait beaucoup de FaceTime, beaucoup de suivi à toutes les semaines avec lui pour être sûr que tout était correct. Puis en bout de ligne, ça s'est avéré positif, mais ça a été bien du temps. Là. Fait que les dossiers des euros, c'est pas des dossiers qui sont évidents. OK. Parce que c'est du recrutement, c'est de s'adapter aussi. La Ligue, il faut qu'il ait passé par la Ligue canadienne de hockey, ce joueur-là, j'imagine? Il faut qu'il passe par le repêchage? Oui, c'est ça. Nous autres, on était 22e au total, fait que... Là, on savait pas si Martin allait être là encore. Ouais. Finalement, écoute, pour différentes raisons, il a été disponible. C'était bien positif. On était bien contents. OK. C'est un long processus, mais ça fait partie de la réalité. Rendu là-bas, j'imagine que tout un processus également pour le faire acclimater à Rouyn-Noranda. Ouais, mais sauf que je te dirais que c'est vraiment incroyable. Okay. Tu sais, on a passé dernièrement, on a eu un joueur de la Suisse, on a eu des gars de la Russie. André Gâteau aussi. L'adaptation était plus difficile un petit peu pour eux autres, mais lui, écoute, il a pas l'air différent des autres. Tu sais, son adaptation va bien, il est de bonne humeur, il est content d'être ici, puis tout est positif. Okay. Ça, ça va bien de ce côté-là. Là. Puis, ce qui l'aide aussi, c'est qu'il parle très bien en anglais aussi, là, quand même. Là. Fait que, tu sais, c'est certain qu'avec l'année passée, on avait un gars de la Russie qui est arrivé ici, il parle pas beaucoup anglais. L'adaptation est plus difficile dans ce temps-là. Mais lui, de son côté, Martens, il se débrouille très bien en anglais. Fait que c'est pour ça que c'est une des raisons qui fait que ça va très un bien. Un gars comme Sven Andrigato, qui est un Suisse, qui a porté les couleurs des Huskies de Rouyn-Noranda, est-ce qu'il sert de référence? Lorsque vous faites un pitch de vente comme pour l'attirer, ce joueur-là, est-ce que... Oui? Kucherov a joué ici. Ouais. André Gâteau, c'est certain que c'est des joueurs qui... C'est des bonnes références pour les joueurs européens quand on arrive par nos agents et tout ça. Puis les agents savent aussi quelle grande organisation qu'on a au niveau du développement des joueurs et tout ça. Fait que il y a un paquet de facteurs là-dedans. Tu sais, il a été drafté à Toronto, puis Toronto, eux autres, il était vraiment d'accord qu'il s'en vienne évoluer avec les Huskies pour son développement. Là. En fait, tu sais, c'était un autre élément positif. Là, OK. Parlons maintenant de ton équipe, la force. Ben, écoute, la force, c'est qu'on a plusieurs vétérans. Ouais, okay. Donc, on a une équipe quand même assez mature. Si on a 9 joueurs de 18 ans. Ouais. C'est certain que l'année prochaine, on va avoir une équipe encore plus mature. On va avoir 9 gars de 19 ans. Sauf que, on a une bonne profondeur à toutes les positions quand même dans l'ensemble pour un début de saison, là. Rendu à Noël, on verra là de quel côté qu'on va aller. Sauf que, écoute, on a de la profondeur et on a une équipe très rapide. Nous autres, c'est important pour nous autres. Le niveau de compétition des joueurs et la vitesse, c'est deux critères importants pour nous autres. Puis cette année, les gars compétitionnent beaucoup puis on a une équipe rapide. Fait que, okay. Écoute, quand t'es rapide, tu peux réaliser plein de choses. T'as 20 ans seulement, donc il y a encore de la place pour 20 ans. J'imagine que tu te donnes un petit peu du temps aussi pour analyser tout ça. Oui, exactement. On a deux joueurs de 20 ans. Là. Alain Caron, défenseur, Alexandre Sills, un attaquant. Puis, c'est ça. Le poste de troisième 20 ans, c'est pas un cri d'alarme pour nous autres. Là. On va continuer à évaluer l'équipe. À Noël, on verra là, ce qu'on va faire. OK. Parlons maintenant des Foreurs de Val-d'Or. Ça vous aide à vous surpasser, hein? Bon, écoute, c'est une rivalité qui est incroyable ici, là. Ouais. Regarde, le 117, c'est à 105 km en ligne droite, là. C'est une heure, à peu près? Écoute, c'est une heure et quart, okay. Dépendamment. Mais, écoute, c'est une rivalité qui est le fun. Fait que, tu sais, eux autres, ils ont une excellente équipe, surtout offensivement. Ils ont beaucoup de profondeur offensivement, là. Puis ils ont des joueurs qui ont participé à la Coupe du Canada dernièrement, là, les Cubains, Julien Gauthier, Richard qui a été repêché à Nashville dernièrement. Fait que c'est une bonne équipe qui est bien balancée, fait que ça fait des bons matchs. OK. Hey, Jude, es-tu venu ici dans le coin cet été? Tu nous fais un petit tour? Ouais, je suis allé du 15 au 21 environ. J'allais voir la famille, puis je suis allé en pêche un peu avec le beau-frère, etc. Le beau-frère qui est le nouvel instructeur-chef des Castors de Dolbeau en passant, hein? Ouais, semblait-il. Fait qu'il s'en lance là-dedans. J'ai dû parler justement parce que demain, on va faire la première entrevue, puis il me disait qu'il a inventé du temps. Qui a inventé du temps. Ah, voilà. Fait que, donc, c'est effectivement. Ben, Gilles, on va te souhaiter la meilleure des chances, puis on se reparle très, très prochainement. Ouais, il n'y a pas de trouble. L'instructeur-chef des Huskies de Rouyn-Noranda, Gilles Bouchard.